Max Popoche, l'abreu. Faut être dans la mentale. Eh, je suis bien installé, je fais du rap de bandit juste pour vous dépanner. Je me l'ai fait cette année, comme ça va Stano, tu vas tout me donner. Bah ouais, faut tout prendre, même si on se fait rodave, on va pas se rendre. Non, jamais, jamais. Et je suis pas entendre, on va s'armer, on va tout revendre. Bang, bang. Eh, cogno, faut pas te laisser faire, dégaine un fer. Écoute le pas, il dit que c'est ton frère, mais il est pas là quand t'es dans la merde, qui baisse sa mère. Pour faire des lots, pour faire des lots. J'ai que mes couilles, ma bécane et mon Glock. Faut aller braquer avant qu'il casse ma porte. Juste après, je crache un molar sur la broc. Normal, je suis arrivé en T-Max. En T-Max. Dans ta cité, j'ai pas mis les man. Partout où je vais, pour moi, je suis chez Wam. De toute façon, j'ai mon tarpé. J'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre. J'suis parti de rien. J'suis parti de rien. Vaut mieux rester tout seul. J'suis avec des comédiens. Cogne. J'fais pas de cinéma. Que je m'en bats les couilles, que t'as vendu plus que moi. Si j'ai mon 43, c'est que j'peux faire des dégâts. Y'a des guetteurs sur le toit qui crient Arthena au cas où y'a les condés en bas. J'fais pas de cinéma, que je m'en bats les couilles, que t'as vendu plus que moi. Si j'ai mon 43, c'est que j'peux faire des dégâts. Y'a des guetteurs sur le toit qui crient Arthena au cas où y'a les condés en bas. J'fais pas de cinéma, j'fais pas de cinéma. J'fais pas de cinéma, j'ai mon 43. J'fais pas de cinéma, j'fais pas de cinéma. J'fais pas de cinéma, j'ai mon 43. Hey, j'suis parti à visage découvert. J'ai pas laissé mes empreintes, mais j'ai laissé par terre. Et il a ouvert, et j'suis reparti en Golf 7R. Et pour faire tes affaires, lève-toi tôt, t'as besoin de personne pour aller filoche. J'suis dans le Banks, j'fume, j'galère. Mes soirs, j'prends la paix à celui qui bosse. Et toi, t'es vert, parce que j'te calcule pas. Poto, j'ai pas besoin de toi, tu vas faire quoi? J'suis dans l'auto et dans la portière, y'a de quoi faire couvert ton papa. J'suis sur un thé, j'regarde la BST, j'rigole. J'ai des gens qui vont rien péter. Et qu'est-ce qu'ils ont cru? Y'a des gens qui sont payés, hein. J'suis dans la mentale, fais tes lovés, lève ton verre si t'es en vrai. Ouais, ouais, ouais. J'suis dans la mentale, fais tes lovés, lève ton verre si t'es en vrai. Ouais, ouais, ouais. J'fais pas de cinéma, que j'm'en bats les couilles, que t'as vendu plus que moi. Si j'ai mon 43, c'est que j'peux faire des dégâts. Y'a des guetteurs sur le toit qui crient Arthena au cas où y'a les condés en bas. J'fais pas de cinéma, que je m'en bats les couilles, que t'as vendu plus que moi. Si j'ai mon 43, c'est que j'peux faire des dégâts. Y'a des guetteurs sur le toit qui crient Arthena au cas où y'a les condés en bas. J'fais pas de cinéma, j'fais pas de cinéma, j'fais pas de cinéma. J'ai mon 43, j'fais pas de cinéma, j'fais pas de cinéma. J'fais pas de cinéma, j'ai mon 43.